symbolique, on s'emballe les couilles, on veut du genre. Ah, on s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, on veut du genre. Ah, on s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, on veut du genre. Ah, on s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, on veut du genre. Coup de feu, débat, jour de guerre, on se prépare. On s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, on veut du genre. Ah, on a marché dans l'obscurité, braquage de soleil. On s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, on veut ton oseille. Prise de notre greffier, tu connais les faits. On s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, on veut ton féfé. Mon million me manque, roule dans un tanka. On s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, on veut la banca. Crame une Marlboro, joue pas le taureau. On s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, on veut ton roro. Sors pas d'un taureau, check si t'es mordu. On s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, on veut ton Audi. On voit tout ce que t'amasses, j'veux ton palace. On s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, frère tu vas ralasse. Hello, Ibis, il se prend pour Ibis. On s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, y'a pas de profitis. Plus plus elle est énorme, et plus on aime la somme. Va à l'heure, je porte ta mère klaxonne. Love 9 CC, boîte 9 dressé. Tout le bêche qui t'a tête, on fait faire Carcassonne. On s'emballe les couilles, on s'emballe les couilles, on veut du genre. Comme c'est du sucre, c'est du gâteau. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.